Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir pesé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Oh my god! Écoute, Gaétan, ça fait donc bien longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pensais que t'étais mort, là. Il y avait des avis de recherche partout, puis des affaires la même. Écoute, j'ai tout simplement pris l'avion pour décrisser, puis je suis allé ailleurs. C'est ça que j'ai fait. Ouais, ok, fair enough. C'est mais ça. Reste que, tu sais, c'est une petite inquiétude. Tu aurais pu au moins, je sais pas, m'envoyer un oiseau messager, quelque chose. Non, mais tu m'as pas suivi sur Untapped. Je rentrais des bières à tous les 5 minutes dans les Europes. Ouais, mais ça, tu sais, c'est tout le temps ce que tu fais anyway. Fait que, tu sais, ça m'étonne pas. Ça, c'est bien vrai. Je peux le faire ici comme ailleurs. Il y a pas de problème. Pourquoi je pense juste à la toune, moi, là? C'est parce que toi, tu y as pensé. Bon, donc. Fait que, c'est quoi la barrique numérique? On joue à un jeu vidéo, puis on parle d'une bière en même temps. Puis on essaie de faire des parallèles, puis c'est pas mal ça qui est ça. Ouais, ça. Puis des fois, il n'y a pas nécessairement de parallèles, mais tu sais, on boit puis on parle de jeux pareils. Tu sais, c'est tout aussi le fun. C'est ça. Fait que on continue nos balivernes habituelles dans le début de saison 2 ou deuxième année, ou c'est juste parce que ça fait à peu près un an qu'on le fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis vraiment, là, on est fort. Tu sais, 10 épisodes en un an, là, yes! On est productifs. On produit comme jamais. Ouais. Ben c'est ça, ben bienvenue à la deuxième saison, puis on espère qu'elle sera meilleure que la première. Il devrait y avoir des améliorations au cours des prochains épisodes, mais tout ça pour dire que il n'y a rien de vraiment de spécial à dire. Non, c'est ça, on n'est toujours pas engagé de fantaisiste pour supporter nos jokes plates, puis je sais pas, se prendre quelqu'un genre pour faire des... Ah, mais je pourrais acheter, tu sais là, les petites affaires en plastique avec les pitons dessus là pour faire des bruits de pète. Ah ouais, ben, ouais. Je pensais en avoir un avec un rire en canne qu'on pourrait juste... On pourrait juste sortir. Comme se patenter un soundboard puis faire du monde qui rit une fois de temps en temps. Ouais, puis, ouais. On aurait peut-être de l'air plus intelligent qu'on l'est là. Exactement. Ben écoute, je pourrais peut-être demander ça au Père Noël. Ah, écoute. Un petit soundboard qui marche. Mettons là, qu'on bribe le Père Noël un peu. Là, puis, Ah, mais moi, il faut que ça soit de la radio Schlack. Ah, ben, si c'est pas une console radio Schlack, ça marche pas. Peut-être dur à trouver, par exemple. Il n'y en a plus bien des radios Schlack. On va aller voir au marché Saint-Michel. Apparemment, il y a des trouvailles et des trésors. Ben, des marchés au plus, tu peux trouver bien des affaires. Effectivement. Surtout à air ouvert quand il pleut. Bon, fait que... Si on s'en va directement dans le feu de l'action, qu'est-ce qui se passe? À soir, on va pas jouer. Ben, on jouera pas parce qu'on a déjà joué, fait que... Non, ben toi, t'as déjà pas mal plus joué que moi. Oui, oui. Fait que tout ça pour dire que Diablo 3! Ben ouais, parce que t'as décidé de commencer à jouer à ça récemment, puis moi, ça fait déjà longtemps que j'ai joué, fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas en parler, puis... En fait, j'ai décidé d'y donner une chance. Ouais, ben c'est plus ça, tu sais. C'est surtout une question de, tu sais, donner la chance à quelqu'un de vivre. Oui, aussi. Pourquoi pas? Fait que, pis là, on regarde la thématique du jeu, les personnages, qu'est-ce qui se passe dans le jeu, on regarde à l'extérieur, les couleurs. C'est ça, pis là, on se dit, hey, regardons, toi, c'est l'Halloween qui s'en vient. Ben oui, toi, fait que de mieux pour accompagner une critique de Diablo 3, je sais pas quelle date qu'on est, là, proche de l'Halloween, qu'une bière provenant du trèfle noir qui se nomme... La L-O-Ween. Fait que c'est une bière d'Halloween, c'est une bière à la citrouille, une petite 7,8%. Et pas là. Fait que si jamais on n'est plus capable de parler à la fin de l'épisode, on s'en excuse. Ouais, puis moi je vois, il y a un, c'est ce qu'on appellerait un jackalope là, sur l'étiquette. Ouais, là, un c'est lapin un... avec des... Avec des bois. C'est ça, des bois. Ça s'appelle des bois. Ouais. est-ce que ça veut dire qu'un peu comme le Jägermeister, il y aurait une goutte de cet animal, une goutte de sang de cet animal-là dans la bouteille? C'est pas marqué, mais disons oui. T'sais, c'est l'Halloween, puis tu sais aussi bien dire des niaiseries de sang puis d'affaires qui font peur. Là, fait que, Pourquoi pas? Est-ce que tu voulais lire le petit texte en côté de l'étiquette? Ben pourquoi pas. De couleur orangée, cette bière forte à laquelle nous avons incorporé citrouille et épices nous présente des saveurs typiquement automnales. Les saveurs d'épices s'harmonisent avec le sucre et l'alcool pour conférer à cette bière une touche bien particulière. Particulière. Ben j'ai bien hâte d'y goûter. Mais ben, contrairement écoute... à la dernière fois, j'ai pas hâte de l'ouvrir parce qu'on s'en souviendra. Là, il y a eu un petit accident. Ouais, je risque d'avoir à faire du feeling pendant comme 2 minutes. Ouais. Pendant que je me changeais de salopette. Là, mais ouais, ça, c'est okay. Ça. Ben, dis long, là, tu changeais de couche, tu changeais pas vraiment de salopette. Là. Ok, désolé. Là. Fait que, ben, le pichit, Pis ben oui. Moi, je me tiens loin de l'ordinateur, là. Bon, ben ça a marché. Bon, je suis bien mieux. Content de ça. Hey, check ça, toi. On va verser ça dans nos verres, puis on va vous dire si, comme l'étiquette le dit, c'est orange. Parce que ça serait dommage ben, s'il mentait. Ça a l'air à ça. Ça a l'air orange, en effet, mais un petit côté ambré, tu sais, là, c'est, ça tient pas du l'orange citrouille, ça là. Oh! En fait, moi, je le regarde devant l'ordi, là, puis je viens d'avoir une draft de ces épices-là qui parlent dedans, c'est quand même assez olfactif. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. Même qu'on dit ça. Aïe, ben, joyeux début de deuxième saison. Ben oui, bonne deuxième année. Puis goûtons donc à ça. Ah ouais, c'est une bière d'automne, là. C'est bière à citrouille totalement assumée. Oui, puis je vais te dire une affaire. Contrairement à d'autres bières à citrouille que j'ai déjà goûtées, celle-là, je l'aime bien. Ouais, mais je trouve que ta balance est bonne dessus. Tu sais, je buvais bien celle de Saint-Ambroise avant. Ben, tu vois, celle-là est comme assez rough, je te dirais. Elle est comme ouais. Assez épaisse au goût. Ouais, c'est ça, mais non, elle est quand même pas si mal. C'est sûr que c'est juste la première gorgée, fait que c'est toujours un peu dur à dire, mais à date, so far, so good. Ben, je te dirais que le mélange de chips et bière qu'on a actuellement va peut-être jurer un peu sur le goût qu'on a. Ouais, ouais, peut-être qu'il y avait peut-être un arrière-goût de barbecue qui était dedans. Que... Ah, puis c'est plus que du barbecue. Ça fait que... Diablo 3, c'est qui fait ça? Si j'ai pas joué aux deux premiers, je vais-tu comprendre l'histoire? C'est-tu bon? C'est toi qui vas me dire ça. Ben écoute, c'est Blizzard Entertainment qui fait ça, premièrement. Ok. C'est-tu bon? Oui. Ok. Est-ce que t'aurais dû jouer avant? Fort probablement. Mais considérant que t'as pas de PC, ben tu pouvais pas jouer nécessairement. Il est sorti sur Mac, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ben regarde, considérant que justement, moi j'ai arrêté de jouer PC à peu près au moment de... Bon, regarde, si je dis Red Alert 2, tu vas me dire « Ouais, mais c'était déjà sorti, là. » Non, c'est ça. Je ne jouais pas PC à ce temps-là, pareil. Ouais, ben ouais. Si on parle des premiers Diablo, c'est sûr, là. Mais non, c'est ça. Ça fait quand même un bout que c'est là. Puis c'est le troisième de la série. Puis c'est toujours aussi sympathique. Fait que c'est toujours l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Roger. Qui revient genre régner le mal dans le ouais, monde. Ouais, c'est ça. Faire régner le mal. Il me semble que c'est Roger. C'est soit ça ou tu sais, un autre Julien, je pense. Ouais. C'était son nom. Je pense qu'en espagnol, il s'appelle El Diablo. Je pense que c'est ça, c'est Roger. C'est traduit ça en québécois, c'est Roger. Mais non, c'est ça. Ben, l'histoire, c'est pas même compliqué. C'est toujours la même chose. Diablo revient. Ben là. Ils te le disent pas que c'est Diablo qui revient, mais tu sais, le jeu s'appelle Diablo, fait qu'il y a une petite doute qui revient. Doute un petit peu, c'est puis, ça. C'est ça, fait que là, toi, ben, faut que t'ailles sauver le monde de cette grosse bébête-là qui va tout tuer, fait que là, c'est un peu la bataille entre les anges et les démons, puis toi, tu te ramasses à un être humain à travers ça qui essaye de... Eh, boboy. Ouais. Ça a pas l'air facile, hein? Non, c'est pas facile. Allez, gars, c'est quel genre de jeu? Moi, je sais pas comment décrire ça, là, c'est... Ouais, c'est un... Top View RPG... Top View RPG. Ben, c'est un peu ça, pis non. Ben, c'est un hack and slash RPG. Ok. Moi, c'est la façon où je le vois. Là. C'est bien gros du grinding aussi. Fait que, ouais, ouais, hack and slash RPG. Ouais, action ça, RPG aussi. Là, ouais. ça dépend de ta définition de la chose. Mais... Ben, je me suis donné de l'urticaire au doigt à force de tout le temps apaiser. C'est pas mal le même piton. Mais je dois dire, en tout cas, pour ma première impression. En fait, c'est pas vraiment ma première impression. J'ai jamais joué à Diablo 2, sauf que j'ai été présent lorsque un de mes amis jouait à Diablo 2 à l'époque, pendant que j'étais au cégep. Donc, on parle d'il y a assez longtemps. Et puis, j'avais quand même apprécié voir ce que j'avais vu. Bon, je me souviens que les cinématiques étaient juste tout simplement sublimes. Ouais, ça, c'est du Blizzard. Toutes les cinématiques sont toujours... Mais c'est au niveau du gameplay que j'avais fait comme, est-ce que je vais aimer ça? Parce que j'avais gros Red Alert, j'aimais ça cliquer en quelque part, envoyer mes ennemis, mes unités en quelque part, si on veut. Mais non, honnêtement, j'ai jamais eu une attirance à jouer à ce genre de jeu. Puis là, ben regarde, tu vois, une dizaine d'années plus tard, plus tout le monde en parle, je devrais-tu essayer? Ben, pour le bienfait de la barrique, oui. Ben, c'est ça. Hein, fait que, de prime abord, j'ai bien aimé ça. Ben, c'est tant mieux. Tu sais, c'est correct. Il y a quand même une histoire. Tu t'investis un petit peu, genre. Mais moi, ce que j'aime de ce genre de jeu-là, c'est comme le facteur de rejouabilité. Tu as plusieurs classes, tu choisis ton style de jeu, tu y vas en fonction du bonhomme que tu choisis. Ben, pis... ça, c'est sûr que le point fort du jeu, c'est le gameplay. C'est que ça, parce que l'histoire est vraiment pas si impressionnante que ça. Et c'est ça, de comparer à Diablo 1, 2 et ou 3. Ben ça veut rien dire. Toutes les Diablos, on peut. C'est pas des grosses histoires. T'sais, mettons, le premier, c'était correct parce que c'était le premier. Fait que tu le pardonnais un peu plus. Puis c'était peut-être un petit peu plus nouveau. Mais le deuxième. Deuxième, c'était, ouais, c'était peut-être le jeu qui était le plus intéressant overall. Là. Mais l'histoire du 3, en tout cas, vous verrez si vous jouez, là, mais c'est moyen. Là. C'est rien de là à t'investir vraiment. Puis les personnages, tu t'investis pas assez pour comme les aimer, les apprécier. Fait que tu sais, s'il y en a un qui meurt, s'il y en a un qui. Peu importe ce qui peut se passer, comme tu t'en fous un peu. Okay. C'est genre. C'est plus comme. Tu joues pour ton gain personnel de comme avoir le meilleur gear, être le plus haut niveau, avoir les meilleurs skills. Puis, C'est pas mal à ce niveau-là, je te dirais, que je me suis carrément investi dans le jeu. Parce que bon, c'était le fun de voir le chiffre monter. Tu changes de level, tu débloques une autre affaire, une relique ou peu importe. Tu découvres tout le temps de meilleures armes, meilleures armures. Tu débordes de plus en plus de choses à pouvoir porter sur ta personne. Fait que moi, c'est ça. Là. L'aspect, comment dire, progrès. Comme dans tout bon RPG, c'est bien important pour moi que ça soit bon, consistant et comment dire aussi, pas ergonomique, mais symbiotique. Ouais, mettons. Que la synergie. Oh, ce terme-là s'applique à tout. Les Illuminati, toi, chose. Ah ben, maudit, ça fait. Fait que c'est ça. Alors, moi, j'ai joué avec le Warrior, parce que bon, j'aime ça incarner un bonhomme qui a des muscles, puis une barbe. Puis qui tape, puis... Toi, t'avais pris quel bonhomme? Demon Hunter, le premier que j'ai fait. Puis après ça, j'avais... Je pense que mon deuxième personnage, c'était le Monk. Ouais. OK. Fait que, comme le métro, là, à Montréal. Ouais, ouais, exactement. Ça, là, j'étais allé au métro Monk, puis je me suis fait tabasser. C'est rough dans ce coin-là. Ouais, ouais, ouais. Tu vas pas essayer de parler à des... Non. Passer minuit, là, c'est vraiment pas une place à aller. Ah, non. Vraiment pas. Fait que tout ça pour dire... Non, ça, fait que moi, j'ai toujours été plus... Le gars qui va jouer les classes range, puis tu sais, me tenir plus au loin, être un petit peu plus tactique, puis tout ça. Fait que moi, je suis allé avec le Demon Hunter en partant, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'était une bonne dynamique. Les skills étaient le fun, puis tout ça. Puis c'est pas mal le personnage le plus joué. Mais pas mal toutes les classes sont le fun à jouer. C'est ça qui est cool aussi, c'est que peu importe le personnage que tu prends, sûr qu'il y en a toujours un qui va fitter plus avec ton style de gameplay que d'autres, mais pas mal toute la gang, t'as moyen genre d'avoir du fun avec. Bon, on s'excuse, on a un invité dans le studio, aka ma cuisine. Il s'appelle Oscar. C'est aussi un suppôt de Satan. Et peu importe le... on a ici le préposé au studio qui s'affaire à réprimander le chat. Donc, vous aurez compris que c'est un félin qui a une maladive manie de s'en prendre à tout objet de verre. Ouais, tu sais, ça vient avec. T'es un chat, ça fait partie de ta job. Combien d'objets je peux jeter à terre, tu sais? C'est ça. Fait que si jamais je voyais ce chat-là dans le jeu, là, ben je le hack and slasherais, pas possible. Mais parce qu'on est dans le vrai monde, puis qu'on a quand même des engagements sociaux et moraux. Ouais, c'est ça. Il y a une question légale, puis tu sais. C'est cela. Donc, est-ce que le verre est cassé chez la préposée? OK, une chance, on a évité un bris. Ben, c'est déjà bon. C'est déjà très bon. Donc, ce que je m'en allais dire, c'était... Quoi au juste? Ben c'est ça, hein? Ben non, si on parlait des classes, comme quoi c'était le fun de jouer avec un peu toutes les classes. Puis, ouais, effectivement. Fait que, tu sais, le pourquoi moi je prends un bonhomme avec un épée, c'est parce que, bon, j'aime ça varger à close range. Fait que je pense que c'est ça qui nous différencie en termes de joueurs. Mais autant que tu dis que chacun des personnages a ses propres actions, a ses propres attaques, a ses propres, bon, sets d'animation ou quoi que ce soit, même avec juste le Warrior que j'avais, je trouvais ça intéressant de voir que chaque fois que je prenais une arme différente, le set d'animation était totalement adapté. Tu sais, t'as la lance, il attaque pas pareil qu'avec une épée, qu'avec une dague, qu'avec un ci ou un ça. Je trouvais que à ce niveau-là, pour le détail, c'est tellement poussé. Ouais, vraiment. Puis s'il y a bien une chose qui m'amène vers le prochain mot que je vais utiliser pour décrire ce jeu-là, c'est ça, c'est il est propre, ce jeu-là. C'est clean, clean, clean. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de texture qui load, il n'y a rien. Il est juste parfait, là, visuellement. Ouais, c'est ça. C'est sûr que des bugs, ça peut toujours arriver de toute façon. Peu importe le jeu, ça, on s'en sauvera jamais, ouais. Mais Blizzard, ils ont toujours la mentalité de le jeu va être prêt quand il va être prêt. Tu sais, c'est un des motos qu'il y a sur la statue en face du building de Blizzard en Californie. C'est genre, it will be done when it will be done, bitches. Oh, c'est bien ça. Et par moto, on parle pas d'une motocyclette. On parle de slogan. C'est ça, voilà. Mais non, ça fait que ça fait en sorte que les jeux sont tout le temps super polished un coup que c'est sorti. Puis là, surtout dans le cas de Diablo 3, où le jeu est sorti par après sur console, il y a eu le temps d'être polishé en masse de la sortie PC qui était une couple de mois, voire année avant. Je te dirais peut-être un an avant. Ouais, c'est ça. Si ma mémoire est bonne. Fait que tu sais, il y a eu le temps de se faire polisher une couple de bugs là-dessus pour après ça que ce soit encore plus polish sur la version console. Puis, à savoir que moi j'ai joué à Diablo 3 sur Xbox 360. Ouais, moi sur PC. Donc, bon, un côté on a une manette, de l'autre côté on a clavier souris. Mais ils ont changé plus d'affaires que ça en fait parce que je pense la façon que la caméra est placée, les interactions puis tout ça, c'est vraiment... C'est assez différent de la version PC. Il y a bien du monde qui disent que c'est quasiment plus fun sur console parce que ça marche vraiment bien avec une manette. Tu sais, j'ai pas essayé, fait que je pourrais pas dire, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui ont vraiment apprécié la façon, l'ergonomie de la manette, des boutons. Puis... Ben, c'était une de mes craintes quand j'ai commencé à jouer justement sur console parce que de prime abord, je sais que c'est un jeu style PC, tu sais, clavier-souris, puis il y a toujours cet aspect-là où clavier-souris, c'est fait pour ce genre de jeu-là. Ben, surtout que comment ça allait se transiter en console? Non, c'est ça, parce que c'est, tu sais, Diablo, on s'en cachera pas, c'est des menus et encore plus de menus. Oui. Fait que ça arrête pas, fait c'est pour ça que ça fit avec clavier souris, mais ils ont réussi à faire une belle job pour pouvoir porter ça sur console puis que ça fasse du sens. C'est ce qui nous amène à parler des de l'aspect gestion. Donc oui. On revient à parler de l'armure et tout ça. Quand t'as dit que t'avais l'impression de jouer à... que quand tu jouais à Borderlands, t'avais l'impression de jouer à Diablo, je l'ai totalement senti là-dedans. Je trouvais que les maps, c'était la même genre d'affaire. Les hordes d'ennemis, c'était vraiment la même genre d'affaire. Comment est-ce que tu level up, c'était la même genre d'affaire. Ouais. La rareté des items, c'est la même genre d'affaire. Bon, moi, je suis un gros fan de Borderlands. C'est probablement par ce filon-là que j'ai réussi à trouver mon propre filon dans Diablo 3, justement. Ouais, c'est sûr, c'est... Borderlands, ça a été vraiment inspiré de Diablo sur la façon justement que le loot il marchait, puis un peu justement ça, les niveaux, la façon que les ennemis ils spawnent, puis tout ça. Il y a ça. La seule affaire qui est pas pareil dans Borderlands au niveau des niveaux, c'est pas randomly generated, généré de façon aléatoire. Quand on dit niveau, tu parles d'une carte? Map. Ok. Parce que dans le fond, à chaque fois que tu vas faire la map, elle va toujours être différente-ish. Là. Je veux dire, t'es comme... de différents setups de la même map qui peuvent être faites. OK. Fait que ça sera pas toujours à la même place que tu vas aller, que les chemins vont être faits. OK. Chose que j'ai pas vraiment rencontrée dans mon jouage, parce que... Ouais, c'est ça, je t'en ai demandé demander si dans Diablo 3 c'était le même. Il me semble que oui. Peut-être pas finalement. Je sais que Diablo 2 c'était le même, là, c'était totalement aléatoire. Là, mais c'est vrai, dans Diablo 3, Faudrait leur check. En tout cas, moi, à mes deux ou trois repassages dans la même carte, ça avait l'air relativement pareil, mais bon, je peux me tromper. Non, mais c'était moi aussi qui est juste dans les patates, puis tu sais, je suis comme tellement accroché à Diablo 2 que... Je t'ai dit d'arrêter de faire de l'overtime dans le champ de patates. Essaye d'éviter les patates. Ouais, je sais bien, mais tu sais, les patates, c'est tellement bon, les patates, puis c'est ça. Ah, ouais, plus que de pétac. Fait que, donc, c'est ça. La gestion, donc, on aime ça tout le temps avoir quelque chose de plus fort que... mais il y a tout le temps aussi cet élément de compromis. Parce qu'on peut avoir une armure qui est vraiment, vraiment forte, puis on peut avoir une armure magique qui est un petit peu moins forte au niveau de la quantité d'armure qu'on te donne, mais qu'on va te donner des petits suppléments. Ouais. Fait qu'un petit peu plus de dextérité par-ci, un petit peu plus d'expérience par-là. Le niveau de compromis, c'est ça qui rend la chose intéressante, puis on est tout le temps rendu à essayer différentes combinaisons. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a toujours des stats que tu vas vouloir chercher dépendant de ta classe. C'est un wizard, ça va prendre plus d'intellect, ça va prendre plus de... Je sais pas c'est quoi, c'est de la mana, mais je sais pas c'est quoi exactement, c'est... De la mana. Ouais, mais il me semble qu'il n'y a pas un terme pour ça, tu sais, pour que genre ça te donne plus de mana, tu sais, t'en as un, genre, je sais pas, je pourrais pas dire, ayant joué un viking, j'ai pas accès à ça. Je pense que c'est peut-être l'intellect, justement, mais non, c'est ça, fait que ça fait en sorte que t'as quand même des stats que tu vas vouloir aller chercher parce que tu sais que ton personnage a naturellement ces stats-là de booster, fait que tu sais que... Un mage, justement, ça va avoir besoin de plus d'intellect parce que ça utilise plus de spells. Mais justement, un Demon Hunter, ben, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de dextérité parce que c'est ça que tu veux. T'sais, tu veux pouvoir bouger vraiment vite sur la carte. Tu veux pouvoir comme... Parce que la dextérité, elle va aussi affecter, me semble, quand tu tires avec un arc. Fait que tu veux avoir ça aussi. Puis même chose avec le Warrior, tu vas vouloir avoir, bon, mettons, plus de force pour pouvoir swinger des armes plus rapidement. Ça rajoute de la dextérité, donc plus de rapidité. On peut faire plus de coups à la minute, à la seconde, dépendamment de comment vite qu'on clique ou on paye ça. C'est le DPS, hein, c'est le damage per second. Exactement, ouais. Puis quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est un petit peu comme ton mana. Moi, pour mon Warrior, j'avais le Fury, donc j'ai une espèce de boule qui augmente à chaque coup, puis quand elle est pleine, ou bien même avant qu'elle soit pleine, je peux m'en servir pour utiliser une attaque secondaire qui est beaucoup plus dévastatrice, même qui me coûte quand même une bonne quantité de Fury. Donc il y a tout cet aspect, encore une fois, de compromis. Qu'est-ce qu'on utilise à quel moment? Ouais, puis toutes les classes ont un style de mana, justement, comme vraiment bien à eux. Fait que ça rajoute... c'est pas vraiment super différent au niveau du gameplay, mais tu sais, c'est juste une petite touche qui rend ça un peu différent parce que tu sais, ta boule d'énergie sera pas de la même couleur, puis ça va sans. Ben, c'est ça. Moi, mon souvenir était que quand je regardais mon ami justement jouer à Diablo 2, puis même quand je passe dans les rangées du bureau sur l'heure du dîner, alors que mes collègues jouent des fois à ce genre de jeu-là, je voyais tout le temps la boule bleue puis la boule rouge. Ouais. Je savais très bien que la bleue c'était pour la magie, puis la rouge c'était pour la health. T'as déduit ça, toi. Sais-tu. Ça a pris du temps, là. Comme mais j'ai comme compris ça. Ouais. As-tu fallu que tu fasses genre une thèse là-dessus? T'as-tu non, tu en fait, j'ai fait chose, une petite recherche ou... Wikipédia. Ah, OK. Ouais, je suis allé la méthode facile. Moi, je suis un peu déçu. Là. Je me serais attendu à ce que tu fasses genre des... Tu sais, que tu mettes tu fasses une grosse recherche, que tu mettes genre plein de bouts de papier journaux genre sur ton mur relié avec des ficelles puis des pins. Pis, ça a quasiment ressemblé à ça parce que quand je l'ai loué Diablo 3, là, oui, je l'ai loué. Je l'ai pas acheté. Je l'ai pas emprunté à quelqu'un. Là, je l'ai loué. Gratuitement aussi. ça pour dire que j'ai été abasourdi de pas voir la boule bleue puis la boule rouge. Ben c'est ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches puis que j'ai compris que c'était peut-être différent. C'est ça. Dans le fond, c'est comme la même chose, mais pas le même nom. C'est SSDD qui appelle... SSDD. Ouais, ça vient d'un film, ça. Mais ça serait pas DD, ça serait SSD quelque chose d'autre. Ah, écoute, si tu le dis, moi... Ah, ça veut juste dire « same shit, different difference ». Ah. Même affaire, mais une différence, OK, c'est bon, c'est bon. Tout ça pour dire... Oui, que... Hey, je pense qu'on est rendu avec la gorgée du milieu. Hein? Hey, je regarde le temps, là. Le petit chronomètre était pas fait bip-bip, mais c'est ça. Oui, gorgée du milieu, je vais te refaire un autre chin. Ben, re-chin. La raison pour laquelle je refais un chin, c'est parce que cette bière-là, elle est succulente et... Ben, je vais laisser Gaétan dire pourquoi. Ben écoute, le temps que je prenne ma gorgée, évidemment. Ben oui, c'est ça, tu sais, pendant que moi, j'en ai de m'étouffer avec la mienne. Il y a un côté sucré quand même assez présent. Pas trop. Je trouve ça un peu moins pire que qu'une bière de Noël, comme la bière de Noël qu'on avait pris. C'est laquelle? On avait la Hopfenstark. Ouais, la Hopfenstark, je me rappelle, elle était un petit peu plus intense. Puis aussi, tu sais, une autre qui est excellente, mais t'as celle des Trois Mousquetaires. La bière de Noël, oui. Qui est vraiment excellente, mais tu sais, elle est vraiment intense au niveau du goût. Tu sais, t'en bois une, puis c'est vraiment très sucré. C'est un gâteau aux fruits liquides, littéralement. Là. Mais ça, c'est un peu moins pire comme bière saisonnale, mais c'est bon. Toutes les épices sont là, tu le sens. Tu as quasiment l'impression de boire une tarte à citrouille, mais pas trop sucrée. T'sais. Effectivement, ça a, comme tu avais dit au début de l'émission, une très bonne balance entre le goût de citrouille puis le goût d'épices. Puis contrairement à d'autres bières à la citrouille, on n'a pas cette amertume-là ou cette férocité dans le goût de la citrouille. Non, mais là, on sait que c'est ça, mais c'est beaucoup moins... pungent. Ouais, mais tout s'équivaut, tu sais, j'ai pas non plus une finale, tu sais, justement amère ou quoi que ce soit, on dirait que ça reste en même note tout le long, tu sais, il y a pas vraiment d'arrière-goût qui passe après, c'est smooth. Il y a effectivement un petit côté velouté avec cette bière là qui me surprend énormément. Je m'attendais peut-être un petit peu plus d'amertume à la IPA. Ouais, mais non, je suis plus qu'agréablement surpris. Ouais, moi aussi, parce que j'étais pas sûr, j'ai entendu des commentaires moyens dessus, mais non, c'est quand même bien, honnêtement. C'est pas une bière avec laquelle tu vas te saouler nécessairement, ben quoi que à 7.8 tu pourrais là. En finissant ça devrait être gorlot mais honnêtement, comme une petite bière dégustation tranquille, non, c'est une bonne petite bière. Oui. Puis c'est cela. Je pense que ce que tu avais probablement lu comme commentaire négatif sur la bière, c'est que ça goûtait peut-être pas assez la citrouille ou que ça rappelait pas assez les autres bières à la citrouille. Enfin. Peut-être. Je me rappelle pas exactement ce qu'il disait. C'était plus un consensus général de comme cette bière-là aimait. Mais non, mais tu sais, j'étais quand même curieux de l'essayer parce que, tu sais, ok, un, l'étiquette est vraiment cool. Elle est quand même très jolie, là. Tu sais, Trèfle Noir, moi, je suis vendu à eux autres aussi. Ils font des super bonnes bières. Puis, absolument. Gros fan, pareillement, moi aussi. Fait que c'est ça. On s'est dit, on ne fait pas passer à côté. Puis comme ça sera pas longtemps ces tablettes. D'ailleurs, je vous dirais que l'épisode va sortir dans pas long. Là, genre, probablement comme à l'Halloween. Ben, allez l'acheter là. Parce que je suis pas sûr qu'elle va rester longtemps. C'est ça. Si vous êtes en mesure d'avoir accès à une machine à voyager dans le temps, ben, comme quand vous allez écouter l'épisode. Revenez dans le temps. Au moment où on l'a enregistré. Fait qu'on est le 29 octobre. Ouais. Fait que revenez au 29 octobre, puis allez vous en chercher. C'est ça. C'est tout. Parfait. Donc, blague à part, continuons sur Diablo 3. Je sais pas trop par où continuer, à part comment de fun que j'ai eu pareil avec. J'ai trouvé mon expérience de jeu relativement redondante, c'est-à-dire je trouvais que je faisais pas mal la même affaire. Mais rendu au niveau level 12, 13, 14, là, j'ai vraiment commencé à sentir une grosse coche de difficulté. Là. Les ennemis s'en venaient de plus en plus féroces, beaucoup plus violents. Je constatais que je perdais beaucoup plus d'énergie rapidement. Puis j'ai compris à quel point c'était important d'avoir un follower bien équipé pour t'aider. Puis ça, c'est un autre feature bien intéressant dans le jeu. Là. Wow, ouais. C'est ça l'affaire avec Diablo 3 qui est un peu... Le côté faible pour moi puis bien du monde aussi, c'est que dans Diablo 2, à chaque fois que tu montais de niveau, tu pouvais manuellement changer tes stats. Fait que t'avais, mettons, 5 points que tu vas aller mettre dans justement dextérité, strength, tous ces petits trucs-là. Fallout 3, là. Genre. Fait que t'avais ça, sauf que dans Diablo 3, ils ont enlevé ça, ça monte automatiquement. Fait que c'est comme prédéterminé qu'à tel niveau, tu auras tant de... Puis... Beaucoup fait moins que... contrôle sur qui on devient, finalement. Ben c'est ça, en fait, c'est que c'est pas tant... toi qui vas aller changer manuellement, que c'est ton équipement qui va changer tes stats. Fait que c'est moins contrôlé. Ce qui fait en sorte que ton personnage est peut-être moins exactement comme tu veux qu'il soit. Mais non, sinon, en général, je veux dire, c'est bien. Il y a du fun à avoir pareil. Il y a bien du monde qui ont bâché le jeu à cause de ça. Puis moi, personnellement, j'ai eu bien du fun le temps que j'ai joué. Pas assez en fait, pour... il fallait se distancier un petit peu du 2 aussi puis procurer une expérience de jeu un peu différente. Oh, ouais. C'est juste que le 2, c'est tellement un jeu culte à travers le monde qui ont genre les PC gamers qui ont joué à ça quand c'est sorti. Puis c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, est jouable sur Internet. Fait que tu peux encore aller jouer. Puis les serveurs sont en ligne puis tout ça. Fait qu'il y a encore un intérêt pour ce jeu-là malgré qu'il est sorti comme en... Ouais, début 2000, je pense. Ouais, quand même. Fait que ça fait un bout, là. Ça fait un bon 15 ans. Genre, fait que c'est ça, mais moi, j'ai trouvé ça le fun. C'est un jeu qui est surtout le fun en multijoueur. Tout, tu n'as pas essayé en multijoueur. Non. Mais ça vaut la peine. Surtout, tu sais, je sais pas si... c'est plus toi qui vas me le dire parce que tu as joué sur console. Si ça se joue sur comme la même console, deux manettes, là. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas essayé. J'ai pas vu d'option qui me le disait explicitement en deux ou trois mois. Ouais. J'ai vu que l'option online était disponible. Donc parce c'est ça, sûr ça que se si peut, mais multiplayer sur la même console, là, non. Si y a genre du couch co-op, là, ça pourrait être cool en maudit. Ben ça aurait été le fun. T'sais, t'aurais pu venir m'aider pour passer le boss de boîte là, que j'ai pas été capable d'avoir. Ouais, c'est ça. Ok, vous allez m'excuser un petit instant pendant que je fais que je parle au félin. Psst. Voilà, il s'assoit, il est maintenant assagi. Il est dompté d'un pchit. Ma sorcellerie a fonctionné. Non, c'est ça, le co-op sur la même console, on pourrait peut-être le réessayer un jour et faire un petit compte-rendu. Ouais, non, c'est ça, parce que sinon, tu sais, moi, je jouais avec des amis sur Skype, on se parlait en même temps qu'on jouait, puis tout ça, puis c'était bien le fun. Puis ça rajoute une autre dimension, ben justement, tu sais, chaque personne va prendre une classe différente en fonction, tu sais, de ce que le monde veut jouer. Fait que, tu sais, comme moi, mettons, je jouais Demon Hunter, ben j'avais un autre ami qui jouait vraiment le Warrior, ben c'est Barbare, je pense. Quelque chose comme ça, là. Ouais, c'est Barbarian. Puis t'avais l'autre qui jouait le Wizard. Fait que t'sais, on était les trois, on se complétait bien. Fait que chacun nos skills, on les prenait en fonction des skills des autres pour pouvoir vraiment, comme... contrôler les ennemis qui arrivaient. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Tout seul, je trouvais ça le fun à jouer une fois, comme compléter l'histoire une fois. J'ai continué un peu après, mais l'affaire, c'est que tu refais la même chose, c'est juste plus dur. Fait que tu repars du début, puis tu regardes, tu gardes tes stats, tes items, puis tout, mais tu repars, puis là, c'est juste plus dur. Puis là, tu finis. C'est surtout un mode plus dur. Les ennemis ont levelé avec toi. Ouais, c'est ça. Ils sont devenus plus puissants. Fait que, tu sais, c'est moins le fun dans ce temps-là, mais comme je dis, avec des amis, ça passe 100 fois mieux. Là. Mais ouais, c'est quelque chose que je sais pas, je trouve que Diablo 2, il y a peut-être un côté plus addictif qui te faisait quand même si c'était le même principe, un coup tu terminais, c'était plus gratifiant, je sais pas. C'est dur à expliquer, mais ouais. Mais le côté addictif, il est totalement là. Je veux dire, moi je voyais ma barre de progrès dans un certain niveau. Arrivé vers la fin, c'était comme, bah non, mon objectif, il est bien beau être juste en face de moi à une centaine de mètres, là, je vais m'arranger pour tuer toutes les bébites que je peux voir avant. Non, ben, changer de niveau un petit peu avant, malgré que de le faire pendant un combat, c'est avantageux parce que ça nous ramène à une barre d'énergie remplie. Oh, oh, oui. Quelques bonus en plus qui viennent avec. Mais toujours est-il que je voulais... Un petit peu comme dans Minecraft, là. J'étais rendu à grinder pour... Je veux du diamant, mais là, je veux absolument avoir une bien meilleure armure, puis je veux avoir le plus de gold possible pour aller m'acheter l'item nécessaire que j'ai pas vraiment utilisé le système de marchandage. Ben, je faisais juste vendre. Honnêtement, c'est inutile jusqu'à un certain point parce que tout ce que tu vas trouver va être... En tout cas, mettons, 99% du stock que tu vas trouver va être meilleur que ce qui est vendu dans le shop. Fait que... Tant qu'à dépenser de l'argent pour ça, aussi bien de le garder pour des affaires bien plus intéressantes, puis juste grinder puis essayer d'avoir du meilleur stock, ça fait juste plus de sens. T'sais. Parce que la plupart, je pense de tout le jeu, j'ai peut-être acheté un item une fois parce que j'ai vu que c'était vraiment un upgrade. Mais tu sais, probablement que deux heures après, j'ai trouvé de quoi de meilleur. Ça, puis j'ai sacré. En jouant avec le butin, on trouve de quoi de mieux. Là. Non, c'est ça. Fait que souvent, ça vaut juste même pas la peine que tu te casses la tête avec ça. Fait que, gnah. Ouais, ben ça me fait penser à Borderlands, la même chose. Je suis pas du genre à acheter quoi que ce soit, je vais juste aller vendre puis avoir de l'argent parce que c'est ça qui est utile quand tu crèves, t'as besoin de cash pour revenir. Ouais, c'est ça. Mais toujours est-il que dans Diablo, c'était le fun de juste ramasser tout ce qui était par terre. Mais la seule argent que j'utilisais, en fait, c'était pour investir dans mon smith. Ouais. Mon blacksmith. Crafter des items. Ouais, puis ça, c'est un autre feature que j'ai absolument pas utilisé. Le système de crafting, à quoi sert-il? Parce que j'ai vu que je pouvais, salvager des items magiques. J'ai vu que je pouvais accumuler certaines ressources. J'ai jamais compris le système de crafting. Ben, en gros, c'est ça. C'est que quand tu salvages, ça te donne des ressources. Puis des ressources, tu peux aussi en trouver. Généralement, ça peut dropper d'un ennemi. Mais d'habitude, quand tu salvages un item, ça te donne une meilleure ressource. Ces ressources-là, tu les utilises après ça quand tu as des espèces de recettes, si on veut. Tu peux les donner à ton blacksmith, puis lui va faire comme « Ah, ok, je peux te faire cet item-là, ça t'amène telle ressource. » Fait que des fois, tu as des cristaux de bons items qui peuvent se faire là. Ça vaut la peine de les voler. C'est sûr que ça dépend tout le temps comment tu veux le jouer aussi, mais généralement, moi je pense que je l'ai levelé au complet, puis j'ai quand même crafté une couple d'items qui m'ont servi pendant un bon bout. Là. Ok, on a encore un félin ici qui se... Moi, je te dirais, arrête-le tout de suite parce que il va faire des trous dans ton manteau, puis c'est ce que je veux pas qu'il fasse. Je suis là. On est, comme vous comprendrez, vu qu'on est dans un environnement, domicile, on est à la merci des intempéries... ton manteau est correct? Tout va bien. Il y a juste des taches de sang dessus, mais ça, on n'en parlera pas. Ouais. Toi, puis ta dague là, de sacrifice, là. Ouais, mais là, Christy, Quetzalcoatl, là, il a besoin de sacrifice, là. Je m'excuse, Ouais. Puis c'est bien meilleur qu'un couteau cérémonial d'une autre ethnie. Ouais, c'est ça, d'une autre religion. Pff. Hey, le dieu serpent, lui, il l'a l'affaire. Ben, lui, il est bien plus intéressant. Pinkin. Hey, 72 vierges, il t'en donne 3000. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, peu importe le nombre que t'as envie d'avoir, il te le procure. Ouais, il est quand même bien blood, tu sais. Lui, tu lui demandes de quoi, puis il est bien ouvert à te l'offrir, tu sais. Il est bien blood, effectivement. Fait que ça pour dire, Diablo. On se laisse un peu distraire ici. Non, mais c'est le fun, puis je suis sûr que vous aussi, chers auditeurs, allez trouver ça bien intéressant. Ben, j'espère que vous trouvez ça intéressant, sinon ça va être plate longtemps. Ouais. Okay. Fait que, continuons dans Diablo. Donc, où est-ce qu'on était rendu? Moi, j'allais dire que je trouvais que la variété des ennemis était quand même intéressante. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de technique pour les tuer. En tout cas, d'un domaine du barbare, pas grand-chose à faire à part juste varger dans le tas. Mais ouais, ce qui est quand même important pour le barbare, c'est de bien choisir son attaque et les reliques actives et ou même passives, dépendamment des endroits où on se trouve et des ennemis auxquels on fait face. C'est là qu'on revient à tout le temps modifier son layout. Ouais. Et de gérer ainsi là, sa puissance et son pouvoir contre les forces du mal. Son pouvoir. Fait que c'est ça, j'ai essayé différentes combinaisons. On dirait que je revenais tout le temps à la même, celle que probablement j'avais même commencé avec parce que j'étais à l'aise avec ou j'étais juste trop habitué. Voyait vraiment un bon progrès puis un bon développement au niveau de la force, puis ça te donne vraiment de quoi de plus, donc il faut les essayer. Puis c'est ça que j'aime, on explore pas nécessairement un monde, parce qu'on le fait, on a comme pas le choix, il faut trouver les différentes entrées et sorties pour les autres zones. On explore comment être bon à ce jeu-là. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que pour expliquer un peu comment le système de runes il marche, c'est que chaque skill va avoir différentes runes qu'on peut y attribuer, qui ça vont s'unlocker au fur et à mesure qu'on va gagner des niveaux. Puis ces runes-là vont changer les effets que le skill va avoir. Fait que ça peut être tel skill va garocher des éclairs maintenant, tel skill va faire en sorte que ça va paralyser les ennemis, ça va faire en sorte que ça va faire plus de knockback, fait que ça va les repousser quand le skill va frapper. C'est des trucs comme ça, fait que ça change quand même pas mal toutes les skills quand tu mets des runes dessus. Fait que tu finis par trouver celui qui plaît le plus. Moi, c'était beaucoup. Je sens que mon Demon Hunter, je prenais souvent les affaires pour faire du crowd control, qu'il appelle. Fait que justement, tu sais, si d'en paralyser une coupe, les affaires qui allaient peut-être affecter plus d'ennemis en même temps, vu que on s'entend que normalement, un Demon Hunter, tu sais, c'est une cible à la fois, c'est rarement comme tout le monde. Ok, il n'y a pas zone d'effet, là. Ouais, c'est ça, mais je pense que t'as un skill vraiment d'Area of Effect que tu peux utiliser qui est quand même bon, mais. C'est, ça l'aide justement avec les runes de pouvoir mettre ça sur des skills, peut-être en avoir un petit peu plus que normalement t'en aurais. Mais ouais, c'est ça. Fait que t'as moyen de customiser ton gameplay pas mal juste avec ce petit feature-là. T'sais. Ouais, puis contrairement à d'autres jeux, là, puis t'as dit le mot rune, moi je repense à Dishonored là, parce qu'il fallait absolument les chercher ces runes-là puis les utiliser à. Bon, on les utilise quand on veut finalement, là. Pour mais contrairement à Dishonored, elle se débarre, elle se déverrouille automatiquement en levelant. Yup. C'est ce qui force le grinding, c'est peut-être ça qui m'agace un petit peu dans mon gameplay avec Diablo 3, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de satisfaction à avoir fait quelque chose. C'est comme, tu sais que tu vas avoir un cadeau à un moment donné, mais il faut que tu te rendes à ce moment donné-là, puis c'est juste une question de combien d'attaques d'ennemis que t'as tué. Ah ouais. C'est ça qui m'agaçait un peu finalement parce qu'il n'y a pas d'aspect exploratif avec la découverte. Il n'y a pas d'aspect découverte avec ces runes-là. Ça arrive quand ça arrive. Non, c'est ça. Fait que tu l'as, tu le changes, puis tu checks si t'aimes ça, puis si t'aimes pas ça, ben tu reviens à ce que t'avais avant, puis moving on. Sauf que c'est ça, on va compromettre l'aspect exploratif par ben tu l'as, fait que essaye-les. Habituellement, c'est notamment différent, puis plus puissant. Fait qu'on s'en sert comme bon nous semble, puis ça fait un job. Comme dirait l'autre, il y a moyen de moyenner. Il y a bien moyen de moyenner. Je me suis rendu seulement au début de l'acte 2, donc vous comprendrez que je suis entièrement néophyte. Ouais, là, t'as pas fait grand chose. Non, j'ai pas fait grand chose. Tu me déçois. Mais à travers l'acte 1 que j'ai joué, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, j'aimerais que tu m'expliques, mon cher Gaétan, à quoi je me serais attendu de plus. Plus de la même chose, probablement. Non, les maps deviennent un peu plus grosses à explorer. C'est un peu plus long à faire. Sûr que ça devient de plus en plus dur aussi. Mais sinon, c'est quand même des environnements qui sont intéressants. Tu sais, je pense que l'acte 2 se passe quasiment tout dans un désert. T'as un bout dans une swamp aussi. T'as l'acte 3, je pense, qui se passe. Moi, c'est sûr que ça se passe dans une espèce de battlefield un peu weird. Là, c'est tout de la roche partout, puis des volcans, puis des affaires de même. Puis je pense que le quatrième acte, ça se passe au paradis. Fait que t'es avec les anges, puis tout. Fait que c'est fun et ballonné. T'es-tu en train de me vendre un punch? Non, pas vraiment. Ah, ok. C'est pas. Non. C'est juste une map parmi tant d'autres. Ouais, là, tu tournes à gauche sur Saint-Denis, tu t'en vas jusqu'à Pinneuf, tu traverses paradis. Le lac à Hochelag, t'es au paradis. T'es au paradis. Il y a bien des affaires qui se passent dans Hochelag. Hein, tout est là. Tout est là. Tout est là et tout est possible. Et tout est pas propre. Donc. C'est pas un jugement qu'on mais fait. Mais non, j'ai déjà habité Hochelaga, je le sais. Eh oui, j'ai déjà moi-même laissé un sofa sur le bord de la route. Écoute, c'est pas parce que se promener sur Ontario, c'est une crainte constante de se faire stabber dans dans les côtes puis de se faire proposer des... C'est-tu comme le métro manque? Pas loin. Ça dépend à quelle heure chaque place, là, mais... C'est contagieux, hein? Ça part du métro Monk, ça s'en va jusqu'au métro Pinot Vio, là. Ah, écoute, il y a bien des Joliette affaires. Même. Ben ça. Ouais, Joliette descend un peu, là, pis t'es dans le rough, là, tu sais. Taverne. Tout ça pour dire. Fait que, bon, ben, c'est ça. Je sais pas quoi rajouter de plus, vraiment. En tout cas, moi, personnellement, pour un gars qui a pas joué longtemps à Diablo 3, là, Mais non, mais la présentation est quand même le fun. Les graphiques sont beaux, c'est pas poussé, c'est très cartoonish, mais c'est le fun, c'est agréable à l'œil. Il y a une facture visuelle qui est intéressante. Oui. Puis, mais c'est très Blizzard. Là-dessus, ça se ressemble tout un peu, là, mais. Ben moi, en fait, il y a quelque chose que je viens de me rappeler que je voulais mentionner, c'est à quel point j'ai aimé le voice acting dans le jeu. Ouais. Non seulement le voice acting, il est correct, tu sais, ça passe très bien. Le mix à travers le jeu est bien pensé pour ça. On trouve souvent des notes laissées par des personnages soit décédés ou bien qui font partie des quêtes, puis on entend un audiologue de ce personnage-là. Puis je trouve que la manière que cette voix-là va percer le reste du mix dans le jeu... c'est pas gossant, ça sonne bien, il y a une belle rondeur dans le son. Fait que c'est ça, c'est comme tu dis, vu que c'est très bien poliché, ils ont dû déterminer que c'était ce genre de mix-là qui était le plus intéressant. Puis en tout cas, moi j'étais un gars de son, un petit peu, peut-être. C'est ça, j'ai aimé ça. Puis je trouvais que c'était ergonomique, que ça se passait bien, c'était pas gossant. En fait, il y a rien de gossant dans le reste, là, à part peut-être tout le temps le son constant de slashing avec mon épée. Ouais, ça vient avec. Tu vas entendre les trois mêmes cris à longueur de... Ça, c'était le côté gossant, je te dirais. Ouais. Mais c'était quasiment le fun des fois de trouver un audiologue. Mais en même temps, ça vient avec. Tu sais que c'est ça qui va se passer. Ouais, absolument. C'est Diablo. Ben, c'est ça qui est ça. Fait que... Est-ce qu'on est rendu à la gorgée de la fin puis au verdict? Ben, ça a l'air à ça, parce que je check le counter. Moi, je regarde le compteur, puis ça me dirait à peu près ça. Hein? Ça fait que toi, qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui est quoi? C'est dur à dire. Les deux? Je dirais les deux. J'en dirais pas un plus que l'autre. Ah ben! Pour la simple et bonne raison, l'affaire, c'est que Diablo, c'est le fun à jouer, mais... pas trop longtemps, trop souvent. Genre, tu vas pleinement apprécier la première fois, mettons, que tu vas y jouer. Comme moi. C'est mettons, ça. C'est le fun. Tu vas continuer un peu, puis à un moment donné, tu vas être rassasié, tu sais. Je pense un peu la même chose avec la bière. C'est que pour le moment, c'est super bon. J'adore le goût. Sauf que je sais que je vais en boire une, puis je vais être rassasié. J'ai pas besoin d'en boire d'autres. Ouais. Mais tu sais, une fois de temps en temps, c'est le fun, mais pas plusieurs en même temps, tu sais. Fait que je pense les deux s'équivalent pas mal là-dessus. Cool. Ben pour mon cas, je vais y aller avec la bière seulement. Oh. Parce que bon, c'est ça, j'ai eu une expérience de jeu qui était limitée dans le temps, c'est-à-dire une location qui ne durait pas plus que 14 jours. J'ai essayé de grinder le plus que je pouvais dans le jeu. J'ai beaucoup apprécié mon expérience, mais un peu comme tu dis, rassasié, j'ai vu ce que c'était, j'ai compris ce que c'est. Je ne crois pas avoir besoin de continuer davantage. Faisant en sorte que moi j'aime la bière. Ben ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que je vais rester dans la bière. Comme je dis, moi la bière je la trouve excellente, mais comme toute bière saisonnale, tu peux pas en boire comme. Tu sais, comme tu boirais un six-pack de genre. Ouais, mais t'aurais bien beau dire, tu peux pas en boire à longueur d'année. Ça le dit, c'est saisonnal. Tu peux pas l'avoir à longueur d'année. Tu marques un bon point. Hein, tu te demandais pas. Moi, j'ai de la rhétorique de Platon, man. Ouais, mettons. Fait que, ouais, tout ça pour dire que Diablo 3, une belle bonne expérience de jeu. Je ne crois simplement pas être le genre de gamer à avoir autant de plaisir que les autres gamers qui trippent. C'est juste moins mon genre de jeu que d'autres jeux. Exemple, je préfère de loin Borderlands à Diablo 3 si on les compare avec les quelques filons qu'on a décrits au cours de l'épisode. Je suis de loin un fan de cette bière-là qui a une douceur, un mélange d'épices et de tout. Holy cacapouette que c'est une bonne bière. Ah, merci Trèfle Noir d'avoir fait ça parce que. Ben oui. C'est cela. On aime bien ça. Fait que, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été là pour notre grand retour sur les podcasts web. Puis on va essayer d'être là plus souvent. On va essayer d'être là plus souvent. Fin de projet et où tant des fêtes qui s'en viennent, ça va peut-être compromettre notre output de podcast. Mais t'sais, mettons on va essayer d'en faire 10 autres, tu sais. Mettons qu'on se donne un défi, là, ça va être 10 épisodes de plus. 10. Dans la prochaine année. On va y aller par shot de 10. Mais on va essayer de faire plus. Fait qu'on vous rappelle qu'on buvait la bière Halloween du Trèfle Noir. C'était Diablo 3 par Blizzard. On remercie beaucoup la famille RZO Web de nous... supporter encore. De nous garder dans la famille. Pis, ben oui. Allez écouter toutes les autres émissions sur RZO Web. Parce que Dieu sait qu'il y a du bon stock. Écoute, c'est comme... Tu sais, là. En veux-tu du bon stock en bleu, tu sais? Je t'en donne. Je t'en garoche en face, là. Tu reçois-tu, là? Tu sais, là, dans le temps, quand tu zappais à la TV pour changer de poste, là, ben, tu peux faire ça sur RZO Web. Il y a plein de bonnes affaires que tu as trouvées. Alors, ça, puis c'est encore moins chiant parce que t'as pas besoin de te lever. T'es déjà à ton ordi, fait que t'as juste à faire un clic. Hey, puis tu veux te savoir une autre chose aussi? Quoi? Ça coûte rien! What the hell? Ça fait que sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de peser sur pause et de cliquer sur sauvegarder. Oui. Puis on se revoit ben, la prochaine fois. La bien prochaine fois. Salut!